François Cusset pour son livre « L'État brandit la violence pour cacher celle qu'il pratique ». J'entendais les étudiants qui occupaient la Sorbonne, qui se faisaient virer de la Sorbonne et qui scandaient au public et au CRS qui étaient là. C'est pour vos gosses qu'on fait tout ça. Je l'avais entendu en 68. Des étudiants qui s'adressaient au CRS, on disait, le CRS, c'est pour vos enfants qu'on fait ça. C'est 50 ans. Et c'est quand même très vertueux de pouvoir dire une chose comme ça. Là. Dire, nous sommes en train de bosser pour vos gosses. Et c'est vrai, c'est tout à fait sincère. C'est-à-dire qu'ils luttent pour l'égalité, l'accès de tous au savoir, à la connaissance, au diplôme, à l'émancipation. Enfin, c'est simple, c'est vertueux, c'est républicain si tu veux. Enfin, c'est extraordinaire de cogner sur des gens qui se consacrent à ça. Et c'est même, on ne peut plus raison, c'est même d'une maturité sociale et politique stupéfiante pour une génération qu'on dit apolitique ou post-politique ou sans formation politique. C'est vrai d'ailleurs, de fait, sociologiquement, et qui en plus est jeune, puisque dans les deux cas, enfin, qu'il s'agisse des zadistes ou qu'il s'agisse des étudiants occupant leur fac ou de beaucoup d'autres mouvements, ce sont toujours les jeunes, enfin la fraction la plus jeune d'un groupe social ou d'un secteur qui se trouve à l'avant-garde de ces mouvements. Ce qui nous amène d'ailleurs, c'est intéressant, à une autre question, qui est une question de fond, moi, que j'essaie de traiter dans mon livre, elle n'est pas simple, qui est le rapport entre les classes d'âge. Et à la fois la violence exercée par le système et l'éventuelle défense active ou violence ou contre-violence qu'on peut lui opposer. Eh bien oui, à travers l'histoire, ça a toujours été davantage le fait des jeunes, pour des raisons très très simples à comprendre, qui sont que, voilà, quand on a une famille à nourrir, un métier à occuper et un emprunt immobilier à rembourser, on hésite un peu plus à monter sur la barricade et à enflammer le cocktail Molotov. Et en plus, je ne nie pas qu'il y a aussi une partie d'enthousiasme naïf et utopique, mais évidemment nécessaire. Voilà, c'est le phénomène de la jeunesse, c'est un vieux phénomène. Ouais, mais là, si tu veux, là, ce qui est compliqué, alors là, il faudrait à la limite revoir les films et les écrits de Pasolini, le grand italien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle jeunesse alors? Est-ce que c'est un âge d'illusion un peu romantique, passagère? Vous inquiétez pas, ça leur passera, l'acné, ça disparaît, quoi. Auquel cas, alors là, ça c'est la conclusion réactionnaire. C'est-à-dire, laissons-les faire à la limite. On n'a même pas besoin de les réprimer, puisque dans 5 ans, ils seront rangés des voitures de toute façon. Ou bien est-ce qu'on appelle jeunesse non plus une date de naissance, non plus un état civil et l'âge de ses artères, mais un certain rapport au possible du monde qu'on trouve chez des gens d'un certain âge autant que chez des jeunes, ou dans des sociétés vieillissantes autant que, plus parfois que dans des sociétés ou dans des pays tout neufs. Parce que lui, ce que faisait, l'une des grandes idées de Pasolini, moi, qui me plaît beaucoup, qui est aussi très romantique, elle est que l'intensité du désir. Lui, il définissait la jeunesse par l'intensité du désir. Alors, implicitement, ça voulait dire qu'un mec de 60 ans peut avoir un désir plus intense que celui de quelqu'un de 20 ans. Mais enfin, globalement, on voyait bien qu'il filmait plutôt les jeunes, ou écrivait sur les jeunes. L'intensité du désir est, volontairement ou pas, le meilleur des remparts, le plus beau et le plus puissant des remparts contre le fascisme, disait-il. Et il disait contre le fascisme de la consommation, c'est-à-dire en fait contre le néolibéralisme, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Bon. Mais l'intensité du désir, c'est exactement ce qui a lieu. Ceux qui montent un projet agricole, ceux qui se cassent le dos et les mains à faire des barricades ou des trous dans les départementales de Notre-Dame-des-Landes tous les jours pour que tous les soirs les CRS les comblent et les déplacent et qui recommencent sans fin. De même que ceux qui font pareil en occupant leur fac, vraiment à l'opposé de toute fainéantise. Il y a là une intensité de désir. Dans cette intensité de désir, il y a une part de fiction, il y a une part romantique, il y a une part de ce que tu veux. Mais il y a aussi une part de soulèvement au sens très très physique, très littéral du terme. C'est-à-dire, je me mets debout, j'apprends à tenir debout. Et là-dessus, faisons tous partie de la jeunesse du monde, bordel. Bon ben, allez, deuxième de cette idée alors de campagne à lire et écrire, une association bruxelloise, une grosse, mais je vais vous laisser la présenter, mais comme ça, on rentre un peu dans le vif du sujet. On est ici dans les locaux, dans la grosse structure de lire et écrire, mais c'est pas que lire et écrire, on en avait parlé là, un peu l'année dernière. Il y a plein d'autres assos, Vous savez ce qu'il y a dedans? Tiens, juste comme ça, je sais qu'il y a une radio aussi sur cet immense site. Alors effectivement, on a créé une web radio qui s'appelle Alpha Sonde Parler, qu'on peut trouver sur internet, alphasondeparler.be, qui regroupe des capsules audio créées par des groupes d'apprenants en alphabétisation. Ah ouais, vous avez créé du lien avec cette radio, c'est vous qui l'avez créée? Oui, c'est ça, c'est l'IRECRI Bruxelles qui est à l'origine de la plateforme, de l'initiative, mais il y a des capsules qui ont été produites par d'autres associations du réseau bruxellois. Okay. Allez. Ça c'est un peu, et vous voyez d'autres assos qui vous ont tapé dans l'œil, non? On me fait signe que non, non? Allez, sérieux, parce qu'il y en a quand même un petit paquet là, hein? Bon, bah voilà. Allez, présentation, qui a envie de commencer à se présenter? Bonjour, je m'appelle Patricia Fernandez, dite Patty, je travaille à lire et écrire depuis 2006, je suis formatrice TIC, multimédia, et j'anime des groupes... principalement lecture-écriture avancée. Et depuis 2 ans, j'anime un projet. C'est un projet par rapport à la recherche d'emploi. Donc ce sont des demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez Actiris. Et je m'occupe de la partie français et informatique. Et j'ai mes collègues du service emploi ici, à Molenbeek, qui, elles, s'occupent d'un module de 5 semaines pour justement apprendre à faire de la recherche par téléphone, fixer ses objectifs dans la recherche d'emploi, faire émerger leurs qualités, leurs compétences, parce que souvent, ils ont des compétences et des qualités, mais qui ne savent pas mettre des mots dessus. Voilà. Donc, j'allie les nouvelles technologies avec les cours de français. Nouvelles technologies, c'est un outil... très pertinent et qui me permet de créer beaucoup d'activités. Quand on parle de nouvelles technologies, de quoi on parle exactement? Alors, les nouvelles technologies, moi j'inclus, on parle de TIC, c'est-à-dire télécommunications, l'information et la communication. Donc j'utilise les tablettes, les smartphones, l'ordinateur, j'essaie d'allier tous ces outils. Faire des recherches sur Internet, leur faire analyser par rapport à tout ce qui se dit et tout ce qui se passe sur Internet pour qu'ils aient accès à tous ces réseaux et qu'ils analysent en fait tout ce qui se passe. Et dans mon cas, dans la recherche d'emploi, c'est les aider puisque Actiris utilise énormément le mail et les SMS sur leur smartphone. Donc j'essaie un maximum de développer leurs compétences sur leur smartphone. Parce que nos apprenants utilisent, on va dire, à 95% leur smartphone. Oui, oui, on va faire un petit tour comme ça, vous voyez, pour se présenter. Mais, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme ça, on a déjà un peu des notions. Mais tu travailles depuis 2006, ça fait combien de temps, ça? Ça fait 15 ans déjà. C'est déjà un bon paquet, hein? Oui, oui, oui. Et d'année en année... Mais voilà, tout évolue, le public évolue, il faut se former, il ne faut pas hésiter à se former, justement, par rapport aux nouvelles technologies. C'est sans arrêt acquérir. Quand tu dis il ne faut pas hésiter, c'est plutôt une obligation, hein. Sinon, c'est ça le problème, justement, hein, parce que tu dis il ne faut pas hésiter, c'est très compliqué pour les gens, en plus, qui sont déjà dans la galère. Exactement, et c'est justement les pousser. Et puis, autour de nous, mes collègues notamment... leur faire prendre conscience que c'est indispensable dans notre quotidien. Donc, et puis nos apprenants aussi, qui n'hésitent pas à se former, à aller vers les centres. Ici à Bruxelles, il y a une richesse de centres, notamment à lire et écrire, le collectif Alpha, et beaucoup d'autres centres, Faubagra, qui aident aussi dans les nouvelles technologies. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc merci Patricia. Qui de vous deux a envie de démarrer aussi? Alors, c'est Iria Calvan Castano. J'ai bien prononcé? Oui, plus ou moins bien, oui. Et oui, je m'appelle Iria Calvan Castano et je travaille à lire et écrire comme chercheuse depuis maintenant 7 ans, plus ou moins. Et donc, depuis 2 ans, je travaille sur l'accès des personnes analphabètes au service d'intérêt général dématérialisé. Donc, quand je dis dématérialiser, je veux dire, d'un côté, les services publics sont en train de numériser les démarches. Donc, tu peux demander tes droits et des services via Internet. Et en même temps, ils sont en train de fermer les guichets et aussi de fermer les services téléphoniques. Donc, tout devient numérique. Donc. Virtuel, quoi, au fond. Ouais. Mais ça, on en avait déjà parlé l'année dernière, hein, de cet état de fait-là, c'est-à-dire que ça devient un problème parce que ceux qui ne sont pas reliés à la toile, ceux qui n'ont pas un téléphone, mais même au niveau financier, hein, simplement, ou avoir accès à un ordinateur, ça devient un problème parce qu'il n'y a plus de gens en vrai. Même les banques. Voilà, c'est exactement ça. C'est un gros problème pour les personnes analphabètes, mais aussi pour d'autres personnes qui ont des difficultés avec le numérique, des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas un ordinateur, qui n'ont pas accès à une bonne connexion Internet. De plus, comme disait Patty, les personnes analphabètes utilisent les nouvelles technologies. Mais ce n'est pas la même chose d'appeler par WhatsApp que de faire, que de demander un droit, remplir un formulaire, envoyer un email. C'est d'autres compétences qu'il faut mettre en place et c'est très difficile pour les personnes analphabètes. Ben on va discuter de ça, on va voir quel est, si tu as fait, si tu es chercheuse, si tu as trouvé quelque chose à nous annoncer de la recherche 2 ans sur ça, alors, c'est ça? Ouais. Tu opines de la tête. Et donc, la troisième personne ici autour de la table, c'est Fabien Masson. Voilà, tout à fait. Donc, Fabien Masson. Moi, je suis aussi à Lire Écrit depuis quelques années, puisque je suis rentré en 2009 comme formateur. Et puis, depuis 2014, je coordonne un petit peu nos actions par rapport à la lutte contre la fracture numérique, comme on l'appelait auparavant. Donc, comment développer vraiment les compétences numériques de notre public. Et donc, d'une part, c'est le soutien aux formateurs et à l'organisation de ces formations pour notre public, en lien toujours avec l'alphabétisation, puisque Lire et Écrire Bruxelles, on a une association qui fait de l'alphabétisation. Donc, on apprend à lire, à écrire, à calculer, à parler à des personnes qui n'ont pas été ou très peu à l'école. Et un autre volet maintenant depuis quelques mois, c'est tout le soutien au réseau associatif de cohésion sociale bruxellois qui se retrouve obligé aussi par la force des choses à accompagner vraiment leur public par rapport à la numérisation et la dématérialisation des services dont parlait et dont va parler encore Iria. Et donc un soutien à ces associations pour l'appropriation du matériel et pour pouvoir du coup aussi accompagner, aider leur public. Ok, et toi tu es, si j'ai bien lu ma fiche avant de venir, tu es coordinateur d'un nouveau projet, moi je le traduis avec mes mots, mais c'est comme un atelier que tu aurais mis en place pour travailler avec les gens que vous accueillez. Alors on n'a pas lu la même fiche, disons que c'est un peu ce que j'expliquais, donc il y a toutes les formations que nous, on organise en interne pour notre public et le soutien du coup aux formateurs par rapport à ça, un soutien plus méthodologique, pédagogique. Et de l'autre côté, il y a ce nouveau projet donc maintenant qui est arrivé avec la crise Covid, qui est ce projet de soutien aux associations du réseau. C'est pas directement aux gens. Non. C'est un soutien alors à l'équipe, à tes collègues en fait, en gros. Donc ça, c'est un soutien aux associations du réseau, parce qu'à Lire et Écrire Bruxelles, on a une reconnaissance de la région bruxelloise CREDAF, donc comme centre régional d'appui au développement du français en région bruxelloise. Et donc à ce titre, on vient vraiment en soutien aux associations de cohésion sociale, par rapport justement aux questions d'alphabétisation, mais ici par rapport à tout le numérique et tout ce qu'on peut faire avec les apprenants. Et dans ce cadre-là, on a par exemple un informaticien public, donc c'est une personne qui va faire des permanences dans les associations pour accompagner les personnes en individuel pour leur démarche. Donc c'est peut-être à ça au quoi tu faisais référence, parce que ça c'est tout à fait nouveau pour nous, d'avoir ces accompagnements vraiment personnalisés des personnes dans leur démarche. Et tu vas nous parler de quoi, toi, alors ? Je ne sais pas trop, mais je vais vous parler sans doute un petit peu des choses qui me reviennent, en tout cas du terrain, des formateurs, en complément avec ce que va pouvoir dire Patricia aussi sur les constats, les difficultés qu'on peut avoir aussi par rapport à l'évolution des technologies, par rapport à tout ce qui nous revient comme demande de nos apprenants, de notre public. Et ben, je pourrais aussi vous parler un petit peu justement de ce qui se passe ailleurs, dans les autres associations du réseau bruxellois, et puis de l'importance de toutes ces questions-là, en complément avec ce que vont dire mes collègues. Autour de la table, mais ça ne se voit pas, il y a aussi Delphine Cabu, il faut la citer, hein, puisque c'est grâce à elle que la rencontre se fait. Donc merci Delphine. Et on va démarrer. Qui de vous trois a envie d'amener... Parce que, ok, on comprend bien, c'est ça qu'il faut essayer de ne pas répéter la même chose, on comprend bien qu'il y a une fracture numérique, les oubliés du numérique, il y a une nouvelle campagne qui se fait, où c'est « delete » ou « enter ». Voilà, on comprend, c'est hyper facile, mais comment aborder, par quel bout aborder les choses alors? Comment auriez-vous envie de mettre les choses sur la table? Par quel bout commencer? Moi, je voulais dire que l'électrisme numérique, qu'on appelle, c'est un néologisme maintenant, l'électronisme, c'est un tabou qui touche les plus vulnérables, aussi bien notre public que les personnes âgées, il ne faut pas l'oublier. Et c'est une inaptitude à utiliser les outils numériques du quotidien. Et ça, je pense que c'est très, très important. Il ne suffit pas juste, nous, à lire écrire, de faire apprendre à parler, à écrire. C'est un aspect, c'est très important de pouvoir, notre public, développer leurs compétences avec le matériel qu'ils ont et le matériel que nous pouvons leur mettre à disposition. Pour justement, dans le cas de nous, de l'éducation permanente, il ne faut pas l'oublier, à lire et écrire, j'ai constaté, moi, dans mes cours, souvent, ils ont un handicap pour, par exemple, l'information. Les apprenants, alors. Voilà, les apprenants sont handicapés, enfin, entre guillemets, je m'entends bien, par rapport à l'information, déchiffrer l'information, la capter, éviter d'écouter tous ces... ces fake news, ces fausses informations, mais pour moi, c'est un axe qu'on doit développer et travailler à lire et écrire. Et cette année, avec une collègue, nous allons essayer de faire des activités là-dessus, justement. Pour moi, c'est très, très important. Mais moi qui ne connais pas, j'imagine que évidemment qu'il y a cette fracture numérique, elle est là. Et on sait bien que c'est les gens les plus touchés. Et pourquoi on pourrait dire, mais ils n'en ont pas besoin. Si, tout devient... on a bien vu avec le Covid, là. C'était... Enfin, moi, je suis venue l'année dernière. On sortait un peu de ça. C'était compliqué, tu dis ? Le Covid, justement, a mis en lumière les inégalités par rapport au numérique. Et donc, pour moi, c'est de l'exclusion à majorité. Moi, j'avais un groupe de 10 personnes. Je me suis retrouvée en visio, puisqu'on a dû développer... avant le deuxième confinement au mois d'octobre, j'ai dû faire des séances anticipées, en fait, et utiliser un logiciel libre en me disant que c'est accessible à tous, à tous mes apprenants. Jitsi, pour ne pas le citer, et ils ont pu télécharger l'application sur leur téléphone et on a pu... continuer à suivre les cours, à communiquer ensemble. Mais si ça avait été compliqué d'avoir des logiciels avec des licences, les apprenants n'auraient pas pu continuer à communiquer avec moi, j'aurais pas pu continuer à leur donner cours, tandis que là, j'ai pu partager mon écran, donner cours. On avait constamment une relation, tous les jours, par rapport aux heures de cours, on s'était bien fixé les rendez-vous. On avait choisi ensemble l'adresse pour communiquer comme ça, tout le monde savait l'adresse. On s'est mis aussi au clair par rapport aux horaires. Oui, mais tout ça, oui, on a pu garder le lien, que voilà. Ce soit dans, dans lire et écrire ou dans d'autres assos, on a pu garder le lien. Ce que je voulais rajouter, c'était dire que ceux qui n'avaient pas accès, parce que j'ai eu deux personnes qui n'avaient pas accès à la connexion Internet, ça a été très compliqué. Cette personne a décroché. Donc j'ai eu deux personnes en fait qui ont décroché et qui venaient, je venais au centre une fois par semaine pour justement essayer de donner cours sur papier Et leur... Oui, mais c'est ça la réalité, c'est que dans ce monde hyper, technique, là, hyper informatisé, c'est comme si on avait oublié, ça allait de soi, que tout le monde avait, avait un ordinateur, avait Internet, vous voyez. C'est ça aussi, je trouve que c'est important de souligner, voilà, ben non, tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas un ordinateur, tout le monde n'a pas accès. Et c'est peut-être ça qu'il faut prendre aussi en considération, parce qu'évidemment, il faut se battre pour que ce ne le soit pas, que tout le monde... j'imagine que vos apprenants chez eux, ils n'ont pas forcément le PC sur lequel vous leur apprenez au quotidien ou bien une fois par semaine. En tout cas, dans mon groupe, c'était peut-être 2 personnes sur 10 qui avaient un PC. Le PC une de son mari. Et il y a une apprenante qui avait son PC perso, mais voilà, c'est tout. Tout le reste, nous avons communiqué avec un smartphone. Mais donc, du coup, j'imagine qu'il y a des endroits où ces gens peuvent avoir accès à un ordinateur et régler toute leur paperasse et tout ça. Ça existe, il y a des EPN, espace public numérique, mais l'accès aussi a été très, très... Il fallait prendre rendez-vous par Internet, si on voulait, oui. Donc voilà, on tourne un petit peu en rond, ouais. Voilà, il y a des... Et puis, ils ont du mal à franchir ce pas aussi, parce qu'ils aiment bien avoir le formateur ou la formatrice qui les guide, en fait. Dans leur démarche. Et donc, à lire et écrire, il n'y a pas un endroit où ces gens peuvent venir gratuitement avoir accès à un PC pour remplir leur paperasse. Ça, c'est énorme quand même. Non ? Oui, c'est vrai, mais en même temps, il y a des autres personnes qui le font déjà depuis longtemps, qui ont des espaces bien préparés. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a les agents de guidance ou les agents d'accueil qui aident avec toute cette paperasse-là. Parce que ce n'est pas seulement nécessaire d'avoir un PC, une bonne connexion Internet, c'est aussi nécessaire d'avoir les compétences, comme je venais de dire avant, et de comprendre les langages et savoir remplir un formulaire. C'est ça que vous leur apprenez, si je comprends bien, ici, à lire et écrire. Oui, mais ce sont des compétences qui sont quand même difficiles. Donc, il y a des agents de guidance, ici, à lire et écrire, mais aussi ailleurs, dans d'autres associations, qui font la paperasse par les personnes. Je veux dire, prend les personnes par les mains et les aide à les faire. Parce que ce n'est pas vraiment facile. En même temps, c'est justement cette campagne qu'on voulait faire, c'est pour dire, oui, il faut l'accès aux nouvelles technologies. Oui, il faut bien évidemment former les personnes, les accompagner aussi, mais il faut que les guichets restent ouverts. Former les personnes, quelles personnes? Parce que les personnes qui travaillent comme ici, comme vous trois, hein, mais comme Patricia qui est formatrice, qui a un lien direct avec les gens, ou former, tu vois, former des deux côtés aussi. Former des deux côtés, on est tout à fait d'accord. Former les personnes en difficulté avec les numériques, former les formateurs, former même les agents de guidance, former aussi les personnes qui travaillent dans les institutions publiques, former au numérique aussi, former à savoir qu'il y a des personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne savent pas utiliser une boîte email ou qui ne savent pas remplir un formulaire d'allocation d'études. Donc, il faut beaucoup de formation, mais ce n'est pas la solution totale. Je pense qu'il faut mettre en place d'autres solutions. Comme quoi, par exemple? Comme je viens de dire, les guichets doivent rester ouverts. Donc, il y a des personnes qui vont passer toute sa vie... Quand tu dis « les guichets doivent rester ouverts », ça veut dire qu'il y ait des humains qui accompagnent. C'est ça que tu veux dire quand tu dis qu'il y ait des guichets ouverts? Parce que, ouais, ok, je... Hein, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Des guichets de première ligne, des guichets qui sont ouverts avec des heures et des heures d'entrée. Je veux dire, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir un guichet. Ça ne vaut pas la peine, non, mais... Il faut que les guichets restent ouverts pendant des jours et des heures acceptables pour les gens. Pas de 9 à 10 heures le lundi à Escarbec. Il faut qu'il y ait des guichets de première ligne des services publics et d'intérêt général. Et pourquoi? Parce que justement, comme je venais de dire, on peut mettre des formations en place, donner l'accès, mais il y a des personnes qui vont avoir besoin des années pour apprendre. Et il y aura, je pense, des personnes qui ne vont pas arriver pendant toute sa vie à savoir lire, écrire, envoyer un email, remplir un formulaire, télécharger une application. Donc, ces personnes-là ont le droit, comme le reste citoyennes, à accéder aux services d'intérêt général et aussi à leurs droits. Et donc, c'est à l'État à garantir l'accès. Vous voyez, ce n'est pas aux personnes à se responsabiliser et à se former. C'est au service de, justement, favoriser cet accès. Et pour nous, le guichet est irremplaçable. La personne est irremplaçable. Pourquoi ? Parce qu'au guichet, par exemple, une personne analphabète, au guichet, peut s'exprimer tranquillement, peut aussi écouter l'interlocuteur tranquillement, peut se faire accompagner de quelqu'un qui est proche et qui est lettré ou qui connaît mieux le français, et aussi avoir comme ça une personne qui l'aide à communiquer. Peut aussi montrer une lettre qu'il a reçue et qui ne comprend pas. Parce que souvent, les gens disent « Non, mais il y a les services téléphoniques. » Mais au service téléphonique, les personnes ne savent pas dire quel est le numéro de facture, par exemple, puisqu'ils ne savent pas lire. Donc, le guichet est vraiment irremplaçable pour les personnes. En plus que maintenant, il y a des services téléphoniques qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Donc, il y a des répondeurs automatiques, il y a des files d'attente spectaculaires. Et il y a des questions aussi qui sont posées par téléphone qui ne sont pas évidentes à répondre. Surtout pour des personnes qui ne comprennent pas très bien le français et que la question est dite super rapidement, ce n'est pas facile. Donc, je pense qu'avec cette campagne, on veut vraiment dénoncer cette fermeture des guichets qui est aussi arrivée avec la crise sanitaire. Mais je pense qu'il y a des choses essentielles et les guichets sont essentiels pour accéder aux droits. Là, je rentre un peu plus dans pourquoi, à ton avis, je pourrais poser la question aussi aux deux autres. Je trouve que ce serait intéressant d'avoir votre avis. Mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est ce monde-là qu'on nous prépare ? Là, on s'échappe un peu de lire et écrire, mais n'empêche, c'est intéressant d'avoir un peu, tiens, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi on nous prépare un monde virtuel, quoi, où il n'y a plus de pourquoi, selon toi ? Oui, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on a réfléchi ? Moi, parfois, je me demande, est-ce qu'on a réfléchi au modèle qu'on veut mettre en place ? Parce que je ne suis pas contre la technologie, je trouve que c'est un potentiel incroyable, mais une chose n'empêche pas l'autre. La relation humaine doit être là, c'est magnifique. On est ici pour être avec d'autres personnes, c'est ça qui remplit notre vie. Donc pourquoi on fait ces choix-là ? C'est un choix politique, c'est un choix économique, on a vraiment réfléchi à ce qu'on veut, parce qu'on parle souvent aussi des autonomie, efficacité, rapidité. Oui, mais il y a plein de personnes qui deviennent moins autonomes avec la numérisation de la société. Des personnes âgées qui ne savent plus aller à la banque toutes seules et pour faire ces démarches. Cette société exclut des personnes qui avant étaient parfaitement intégrées dans la société. Donc, moi, je ne sais pas si c'est une manque de réflexion. C'est vu comme inéluctable. Oui, et en plus, il y a des gens qui perdent leurs droits. Ils en ont tellement marre, c'est tellement compliqué, c'est inaccessible, ça prend du temps, qu'à un moment donné, ils abandonnent. Moi, je comprends tout à fait, mais c'est énorme, ça. C'est révoltant, quoi. Alors, pourquoi cette numérisation comme ça, à outrance votre avis, hein, c'est pas la vérité, on s'en fout, c'est votre avis, tiens. Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? J'imagine que oui. Mais bon, en tout cas, ce qui, moi, m'apparaît, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un réel débat public sur quelle société on veut demain, comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux nouvelles technologies. On a des débats aussi en interne, par exemple, autour de cette campagne. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous ? Quel est le rôle de l'associatif ? Est-ce qu'on doit former notre public pour permettre d'accéder à tous ces services qui sont dématérialisés ? Ou est-ce qu'il faut questionner cette numérisation ? Et est-ce qu'il faut exiger des guichets ? Ici, on fait les deux parce qu'on se rend bien compte que les deux sont importants, qu'à la fois, il faut questionner cette numérisation, il faut questionner cette disparition quand même de plus en plus de l'humain dans nos rapports avec l'administration, avec les institutions, mais même avec l'école, puisque l'école aussi, maintenant, de plus en plus, on va passer par des journaux de classe qui sont envoyés par voie électronique. Donc là aussi, l'humain commence à disparaître. Le matériel aussi, c'est une dématérialisation des choses. Pour moi, il y a vraiment cette question qui est vraiment importante. C'est des choses qu'on essaye de discuter aussi justement dans nos formations et de discuter de ça avec nos apprenants aussi, de cette réflexion. Il ne s'agit pas juste d'utiliser les outils, mais de réfléchir aussi à ces outils et la place qu'ils ont dans notre vie. Parce qu'on parle de perte de droits des personnes qui n'arrivent plus à accéder à leurs services. Mais je pense qu'on est tous concernés par cette perte de droits. Quand on est de plus en plus fiché, on peut prédire nos comportements, nos manières d'agir, d'influencer sur notre vote. On est tous en train aussi, quelque part, d'être victimes de privation de liberté aussi avec cette numérisation et toute l'utilisation qui est faite des fameuses données personnelles, etc. Oui, mais là, c'est enfin, sans connaître, hein, mais j'ai l'impression que là, on s'égare un peu. On parle quand même d'une population qui n'a pas les outils, tu vois, pour des fois simplement vivre, quoi, pour avoir sa carte d'identité, pour avoir... Quand je parle des droits, c'est vraiment des allocations qui permettent de vivre aussi, tu vois. J'ai l'impression que ce que tu parles, c'est encore... Tu prends les deux exemples, mais oui, on est fiché, on est ceci, on est cela, mais bon, on arrive pas à tout comprendre, ça c'est sûr, mais on arrive quand même à se démerder, quoi, tu vois, un peu le... Ouais, c'est... Pour essayer de pas mélanger tout, quoi. Tout à fait. Ça, c'est juste pour c'est la question de savoir mais pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ben, je pense que l'idée n'est pas de priver des gens de leur droit à l'identité et qu'il y a des enjeux beaucoup plus globaux. Il y a quand même des décideurs à un moment qui décident que l'Europe doit qu'il y a des plans de smart cities, etc. Et donc, il y a bien un sens à ça. Et je ne pense pas que ce soit de priver des gens concrètement de leurs droits. Maintenant, dans les faits, effectivement, ça, c'est des choses qui sont très criantes, qui sont urgentes et qui sont les choses sur lesquelles nous, on se mobilise ici à lire et écrire. À travers la campagne ici, ça a attiré l'attention sur le fait que ben, ça a des conséquences très concrètes, très immédiates sur toute une série de personnes dans l'accès à des droits tout à fait fondamentaux. Quoi. Mais quoi, et moi j'aime bien Titi, après ce serait chouette d'entendre aussi, c'est de dire mais quoi, donc ça veut dire c'est comme si le pouvoir n'a pas pris le temps de poser ces questions. Quoi. C'est comme... Il avance, et il ne s'est pas soucié des gens qui étaient plus en difficulté. Ce serait ça votre vision de la chose, quoi, au niveau politique, hein, pas partisane, mais au niveau de se poser des questions sur, tiens, cet État qui est là, ce pouvoir, ce gouvernement, enfin voilà, je ne sais pas très bien comment on peut l'appeler. Bon, pour moi d'abord, je pense que les politiciens oublient qu'il y a des personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture, ça d'abord. Déjà, c'est une question, je ne sais pas si c'est tabou, mais c'est, en tout cas, les gens sont encore étonnés. On peut le dire 15 000 fois, une personne sur 10 a des difficultés de lecture et d'écriture, qu'encore les gens pensent que non. En fait, non, c'est quelques-unes, etc. Ça d'un côté. De l'autre côté, je pense que les politiciens, si je peux dire ces mots-là, comme ça, si grand, les politiciens, souvent pensent que ça serait une question de temps. Allez, tout le monde va entrer. On va obliger, on va forcer un peu, on va faire qu'ils payent un tout petit peu plus d'argent, on va donner quelques ordinateurs et tout le monde va passer. C'est une question de quelques mois. Mais je pense qu'ils ne se mettent pas dans les bottes de quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, et de quelqu'un qui... Aussi, parfois, on a des apprenants qui viennent d'arriver au pays, qui viennent d'un autre pays, qui ne comprennent pas les contextes, qui vont passer des années jusqu'à qu'ils se mettent un peu dans la soupe, je ne sais pas comment le dire. Mais Ria, moi qui ne suis pas dans votre boulot au quotidien, je peux déjà très bien le comprendre, tu vois. J'imagine qu'un politique aussi, non, tu ne crois pas? J'espère que oui. J'espère que oui, mais je vois et je suis un peu frustrée comme les services continuent à fermer les guichets, continuent à mettre des répondeurs téléphoniques qui sont infernales, des pages web qui faut un master pour comprendre. Donc oui, je suis d'accord avec toi et je suis frustrée en même temps parce que je pense qu'ils savent qu'il y a des personnes en difficulté. Je pense qu'ils le savent. Ce n'est pas une chose nouvelle. Ce n'est pas... Moi, ma vision, après, je te donne le micro pour que tu donnes ta vision, parce que ça ferait comme si, allez, de comprendre ce qu'on est occupé à discuter, peut-être on pourrait un peu changer la chose, parce que l'année dernière aussi, c'était la campagne, c'est pareil, vous remettez la même chose, les oubliés du numérique, il faut faire aller en avant, il faut que le politique se bouge, qu'il se réveille, qu'on mette de l'argent là-dedans. Je sais pas, ce serait intéressant. Tiens, mais si vous pouviez rêver, voilà, vous êtes politique là, vous avez les moyens, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on fait pour changer la donne, pour que ce soit pas aussi la grande fracture dont on parle. Mais je te laisse donner ton avis, toi, comme tes collègues, sur pourquoi c'est comme ça, ces oubliés du numérique, cette fracture du numérique pour le... Pourquoi c'est comme ça, en fait? Pourquoi il n'y a plus de... C'est une politique où on laisse tomber, il n'y a plus de guichets, voilà. Mais déjà, il faut se rentrer dans le contexte. Dans les années 2000, bon, ça s'est développé à une vitesse faramineuse, les nouvelles technologies. Et puis, il y a eu aussi, c'était tabou, hein, longtemps, même si à l'y réécrire, je me rappelle au début, c'était un peu tabou de travailler avec les outils numériques. Et ça s'est développé partout. Pourquoi c'était tabou ? Parce que pour certaines personnes, c'était inconcevable de travailler avec l'ordinateur. Enfin voilà, on n'était pas prêt en fait. On n'était pas formé, on n'était pas prêt. Et ça s'est développé. Et je pense que c'est un outil qui est maintenant... C'est une plus-value, en fait, dans notre métier. Et puis... Pourquoi c'est une plus-value ? Parce que moi, par exemple, je l'ai vu, j'essaie de travailler par projet. Et dans chaque projet, j'inclus les nouvelles technologies. Et en fait, ça aide énormément les apprenants. Parce que ça développe certains savoirs, certaines compétences, des qualités de collaboration, d'essayer toujours d'aller plus loin, de trouver, et notamment la vidéo, l'image. Ce sont des outils actuellement qui sont très importants, puisque nos apprenants sont vraiment très portés par rapport... à l'image et au son. Bah oui, on est dans le monde dans lequel on est, évidemment, hein, tout ce que tu dis, évidemment. Mais... C'est aussi la défense du lien en vrai, dont on parle aussi. Hein, c'est ça aussi, on a envie de défendre le lien, la relation avec toi ici, maintenant, je te regarde dans les yeux. Il y a quand même, paraît-il, je n'ai pas retenu le chiffre, mais il y a une communication non-verbale qui est beaucoup plus grande. Hein. Enfin, soit... Mais donc, pour toi, en quelques mots, hein, ça ne doit pas... Pourquoi cette politique-là ? Parce que la politique de dire, bon, bah, maintenant, il faut tout numériser, machin, c'est comme tu dis, depuis les années 2000, allez, en avant, il faut y aller. Mais maintenant, on arrive à un point où c'est un peu le non-retour, quoi. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix de toute cette numérisation. On ne va pas un peu trop loin, là ? Et la question, c'est pourquoi cette politique, à ton avis ? Alors, déjà, je rebondis sur ce que disait Iria, c'est vrai. On nous a donné du matériel. Moi, je suis arrivée à lire et écrire. 2 ans après, j'avais une salle toute équipée. Et c'est comme si on nous donnait une voiture et qu'on n'avait pas le permis, en fait. Donc, OK, les pouvoirs publics nous ont donné du matériel. Hein, ça, à lire et écrire, en tout cas, on a tout ce qu'il faut. Enfin, on a beaucoup, hein, voilà, par rapport à d'autres associations. Mais il faut savoir s'en servir. Donc, il faut être formé. Donc, il faut déjà former les formateurs, le personnel. Et nous, après, pour pouvoir former nos apprenants et développer un maximum, collaborer avec des partenaires spécialisés notamment dans les nouvelles technologies pour pouvoir justement essayer de rendre autonomes nos apprenants avec ces outils et puis collaborer aussi avec toutes les administrations, chercheurs d'emploi comme Actiris. Il y a aussi les communes, puisque maintenant, il faut prendre rendez-vous sur... par mail. Enfin voilà, il y a beaucoup de comment dirais-je, il y a les CPS aussi, il y a tous ces rendez-vous en ligne, mais il y a aussi le fait qu'on supprime du personnel. Notamment les banques, ça handicape énormément nos apprenants qui reviennent vers nous en nous disant on ne sait pas faire les paiements, on ne sait pas faire nos paiements en ligne. Donc déjà, ils suppriment des agences, ils suppriment du personnel. C'est à la poste, c'est la même chose. Dans beaucoup d'administrations, il y a ce côté-là aussi. Il ne faut pas l'oublier. Les chefs d'entreprise, les multinationales et même les gouvernements, quand même, on va dire, le calcul est vite fait et puis s'organisent de manière à se dire, voilà, pour eux, on a le matériel, on doit se débrouiller. Et ça, c'est une erreur. Il faut se former constamment, parce que ça évolue constamment, voilà. Oui, c'est... Vous avez envie de réagir, ce qui se dit, hein. N'hésitez pas à lever la main, hein. Moi, pour relancer, j'ai pas toujours... Mais oui, moi, de mon point de vue, ça fait comme si, le gouvernement, le pouvoir, enfin, les gens qui décident, hein, des grosses mesures, là, des fois, ils nous demandent même pas notre avis. Mais surtout, ça fait comme s'ils se fichaient un peu de tous ces gens sur le côté. Maintenant, c'est en avant. Et tous ceux qui sont sur le côté, on s'en fout. Alors que peut-être, il y a une époque, on va quand même faire mine de... Vous voyez et que maintenant, il y a vraiment... C'est hyper trash, quoi. C'est hyper violent, en fait. Faut pas se leurrer, quoi. Parce que même trop... Vous mettez des ateliers pour aider les gens à trouver du travail. Faut pas se leurrer. Enfin, il y a des gens qui trouvent réellement du travail. Oui. agréablement cette année. Il y a quand même sur 10, il y a quand même 6 personnes qui ont trouvé du travail. Ah ouais ? Et puis qui arrivent à gérer leurs mails, les demandes, répondre aux offres d'emploi. Non, franchement, mais il faut, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices, enfoncer le clou pour vraiment, voilà, ça c'est déjà beaucoup, puisque c'est un outil qu'ils utilisent beaucoup, le smartphone. Mais 6 sur 10, c'est pas mal, hein. C'est des petits boulots précaires, évidemment, que personne ne veut faire. Tu vois, les idées toutes faites, là, mais voilà. Moi, je dis qu'il n'y a pas de sous métier. Bon, ah, mais non, mais moi non plus, je ne pense pas ça, mais c'est quand même des gens qu'on va chercher pour faire les boulots de merde, quoi, en gros. Voilà, on va dire que c'est plutôt des boulots pour des personnes pas trop qualifiées, mais quand même, ça peut leur, comme on dit, ça met le pied à l'étrier. Et eux, justement, on les a incités à aller plus loin, à se préparer, à ne pas rester, à faire, voilà. À devenir ministre. Par exemple. Et maintenant, oui. Oui, justement, bon, par rapport à ça, mais c'est un autre sujet. Et on a travaillé aussi à les réécrire sur les travails. Et comme je suis d'accord avec toi, les conditions de travail sont souvent pénibles et sont souvent très précaires. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mmh. C'est un autre sujet, tout à fait. Ouais, juste pour compléter, en fait, on ne peut pas gérer un service public comme une entreprise non plus. Le but d'un service public ou d'un CPS n'est pas d'être rentable. Et je trouve qu'on entend un peu trop souvent à la radio que tel CPS est en déficit, que la poste n'est pas assez, tel secteur d'activité n'est pas assez rentable. Bah, c'est un service public, c'est pas fait pour être rentable, c'est fait pour rendre service aux gens, à la population. Et donc, c'est là où la nouvelle technologie vient ici en proposant de réduire les coûts parce qu'effectivement, ça fait moins de personnel, c'est plus intéressant. Et donc, de diminuer les coûts et donc permettre au budget public de réduire son déficit, etc. Et les activités rentables, par contre, celles-là, on va les externaliser parce que ça peut intéresser un partenaire privé. Et donc, bon, je pense que c'est ça aussi lié à la numérisation, c'est on voit les gains simplement. Tout bêtement, les gains que ça apporte en termes d'équilibre budgétaire qu'il faudrait atteindre. Et puis, il y a une sorte de mythe, de croyance liée à l'évolution technologique, que la technologie résout nos problèmes, que la technologie, elle serait neutre, elle serait bonne, et qu'elle va résoudre nos problèmes et qu'elle va permettre de faciliter l'accès, justement. Puisque, on voit bien, on est tranquillement dans son fauteuil, dans son salon, on peut acheter, organiser ses vacances, organiser ses déplacements, faire des virements, acheter des actions, etc. Ça, c'est très beau. Ça marche avec certaines personnes, mais les décideurs, je pense, ne se rendent pas compte que, pour beaucoup de gens, ça, c'est vraiment un mythe, un leurre, et qu'au contraire, et c'est ce qu'on dit avec la campagne, c'est que ça met aussi de la distance qui existait déjà auparavant, parce que nous, on agit en fait vraiment sur deux niveaux. Il y a la fracture numérique, mais à la base, la question n'est pas tellement l'accès au matériel ou à la manipulation des interfaces, ce sont des problèmes de lecture et d'écriture. C'est quand même ça qui fait que les gens ont un problème d'accès par la suite au service, quoi. Ah oui, c'est quand même ça précisément, quoi. C'est cette base-là que les gens ont du mal à maîtriser, quoi. C'est important de le dire, ça. Donc les outils, limite, ils peuvent se débrouiller parce qu'il y a des plans B. Hein, y a même les cyber, là, où on peut... Mais donc c'est quand même cet accès à cette écriture et cette lecture, alors, du coup. Donc ça, c'est quelque chose qui est très clair. Il y a la question de l'accès au matériel qui reste d'actualité pour toute une partie des personnes. À un terminal, il y a une connexion Internet. Il y a la question de l'utilisation des interfaces. Mais aussi bien conçue puisse-t-elle être, va toujours rester le problème qu'à un moment ou l'autre, la personne, elle ne va pas pouvoir lire ce qu'il y a écrit dessus. Et ne va pas pouvoir écrire non plus. Et donc, on peut être très créatif avec des technologies de reconnaissance vocale, etc. Et donc, il y a des choses certainement à améliorer dans l'ergonomie des interfaces, mais va rester quand même le problème, c'est que si une personne doit recopier le numéro d'une facture qu'elle a reçue, la recopier, l'encoder dans un ordinateur, il faut pouvoir la lire, il faut pouvoir l'écrire. Et donc, ces difficultés de lecture et d'écriture vont rester quand même, ça j'en suis vraiment convaincu, le premier obstacle et la première cause d'exclusion par rapport à tous ces services. Il reste, 15 minutes. Même un peu moins, mais bon, 15 minutes. Mais est-ce que vous avez envie d'aborder quelque chose de très particulier là maintenant. Ou alors moi, j'ai d'office une idée. Ben, en tout cas, ce qui est aussi quelque chose que nous, on revendique, c'est que cette numérisation, bon, elle se fait sans prendre en compte les personnes qui ont des difficultés de lecture et d'écriture, les personnes analphabètes, pour être bref. Et deuxièmement, donc on ne réfléchit pas à ces personnes qui vont avoir des difficultés au moment de la conception des interfaces et de la dématérialisation des services. Et c'est implicitement convenu que c'est le secteur associatif qui va s'occuper de l'accompagnement de ces personnes. Et donc ça, c'est aussi, on voit qu'il y a une grosse transformation du métier, que ce soit des formateurs, des assistants sociaux, de nos agents d'accueil ici. C'est que de plus en plus, on se trouve à devoir accompagner notre public dans ces démarches parce que ça devient vraiment une condition sine qua non pour accéder à certains droits. Mais bon, à la base, nous, on fait de l'alphabétisation. Et donc, on a moins de temps pour faire de l'alphabétisation parce qu'il faut absolument aider cette personne, parce que sinon, elle va perdre ses droits au chômage, parce que sinon, elle va être radiée du registre de l'état civil, parce que je ne sais pas quoi. Et donc, on est obligé de prendre quand même du temps pour répondre à ces demandes-là. Et donc, il y a vraiment une transformation, c'est un peu de notre métier, et qui n'est pas du tout reconnue, qui n'est pas prise en compte par les pouvoirs subsidiants non plus. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas... Qu'est-ce que tu veux dire là? Je ne comprends pas. Tu bosses, tu fais pas de l'alphabétisation, c'est sûr, mais bon, tu bosses à aider autrement, quoi. Enfin, non. Ouais, enfin, sauf que moi, bon, si j'ai un subside pour donner des heures de cours, mon subside, je dois le justifier en heures de cours. Et donc, ce seront des heures de cours que je dois justifier. Et ce qui est de l'accompagnement individuel que je fais par ailleurs, ça ne va pas être pris en compte, ça va être non subsidiable, dans le cadre de ce projet-là, par exemple. Donc ça, très concrètement, c'est comme ça que ça va se traduire. Okay. Ouais. Aussi, et ça c'est un débat, la transformation des métiers ne peut pas impliquer de faire tous les métiers du monde, je veux dire. Il y a des agents d'accueil qui font maintenant la déclaration d'impôt des apprenants. Il y a des agents d'accueil qui maintenant ils font la demande d'allocation d'études. Quand tu parles des agents d'accueil, c'est des gens comme des formateurs. Qu'est-ce que c'est un agent d'accueil tout compte fait, parce que tu dis. Oui, bon, et dans les associations d'alphabétisation et dans beaucoup d'autres associations, énormément, il y a des personnes qui reçoivent les personnes et qui les aident à gérer les problèmes quotidiens. Ce sont des agents d'accueil, des guidances. Parfois, ils ont un problème de logement et donc ils font la guidance vers une autre association qui travaille sur le logement social. Ou ils ont un problème, je ne sais pas de quel type là, médical, et donc du coup, voilà, les met en contact avec une maison médicale ou avec la mutuelle, ou parfois directement, ils appellent à la mutuelle pour les dire « je vais t'envoyer une personne qui a cette difficulté-là ». Et ça, les agents d'accueil, les gens qui reçoivent en première ligne, les gens où c'est compliqué pour eux? Oui, ouais, et aussi, ils ont d'autres tâches à faire, comme il vient de dire Fabien, ils ont d'autres horaires à remplir, et c'est aussi faire les tests de niveau, voir si les personnes sont analphabètes, quel est le cours idéal pour toi, tu as des difficultés ici avec les français orales, ah non, donc il y a une association ici qui a cet horaire-là, tu travailles pas, donc je vais appeler, je vais chercher un cours qui te convient. Mais aussi, ils font cet autre type de travail. Mais une chose, c'est guider la personne vers une institution qui peut les accompagner dans un souci concret. Une autre, c'est que maintenant, il y a des agents qui sont en train de faire un tas de choses spectaculaires, comme justement l'informaticien public. Il est en train de faire une quantité de tâches différentes. Et mon avis, mais ça c'est mon avis, je ne sais pas si c'est l'avis de lire et écrire, est que les informaticiens publics et les agents de guidance ne peuvent pas remplacer tous les guichets de tous les services publics et d'intérêt général. Il y a une quantité d'informations, des droits, des normatives, des documents à remplir, d'informations à connaître, que c'est un métier en soi, je veux dire. Et donc, du coup, tu ne peux pas savoir faire une déclaration d'impôt pour une personne qui est dans une situation X et en même temps savoir faire l'allocation d'études pour son fils et en même temps savoir quels sont les droits que cette personne a parce qu'elle a un statut BIM, par exemple. Donc, du coup, le statut BIM, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. Bon, c'est un statut, parce que justement... Bim, bam, boum, quoi. Bim, bam, boum, c'est un statut qui donne accès à certains droits. Bon, c'est intervention majorée. Avant, c'était BIPO, je pense, et donne accès à, oui, à des santé à un prix plus bas. Mais bon, et parmi d'autres droits. Mais ce que je veux dire, c'est surtout... On ne peut pas remplacer toutes les connaissances et tous les savoirs et l'expérience des milliers de personnes. C'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais dire comme ça, très spontanément, sans question de ma part ? Mais moi, je voudrais dire et je voudrais interpeller les pouvoirs publics, il y a l'Europe aussi qui est quand même aussi qui doit aider. C'est former des personnes. Les formations, c'est très important. Et puis, il y a pas que nos apprenants, les personnes qui savent pas lire et écrire. Il faut pas oublier aussi les personnes âgées, parce que moi, je pense que voilà, elles font partie aussi des personnes oubliées, des exclus. Et puis tenir compte des demandes, développer des espaces numériques et puis créer un peu plus d'informaticiens publics aussi. Essayer de peut-être dans chaque commune voilà, avoir des informaticiens publics. Et puis, par rapport à notre campagne, c'est dommage que ça soit qu'un jour par an. Moi, j'aimerais qu'on sensibilise plus le restant, je vais dire, de la société. On les sensibilise au fait qu'il y ait des personnes qui ne savent pas lire et écrire, que ça existe, et qu'il faut essayer que tout le monde, ben, on s'entraide, on soit solidaire, pour justement les aider, et que chacun, ben, voilà, par rapport à ses compétences, essaie d'aider un maximum. Mais il faut être aidé par les pouvoirs politiques, publics, l'Europe aussi, puisque souvent tout vient en haut de la pyramide, pour moi c'est l'Europe. Donc je pense qu'il faut interpeller tous ces gens compétents, j'espère, et qui nous aident et qu'on fasse plusieurs journées comme le 8 septembre, c'est-à-dire sensibiliser beaucoup, beaucoup de monde. Et quoi, ça marche cette sensibilisation, cette sensibilité, cette, je ne sais pas comment... Par rapport à l'année dernière, par exemple, ça marche et vous avez... Parce que vous êtes au même point, vous revendiquez les mêmes choses. Est-ce que vous avez un retour de... Est-ce que vous voyez du changement ? Est-ce que, tiens, vous avez entendu le politique qui réagissait à quelque chose qui va dans votre sens ? Vous qui êtes dans le milieu... Il ne faudrait pas que ça soit qu'entre nous, en fait, de sensibiliser, de faire des campagnes, que ça soit juste toucher que le monde associatif dans l'alphabétisation. Je pense qu'il faut ouvrir des portes et essayer avec toutes les nouvelles technologies. Justement, on a une page Facebook et puis peut-être d'autres moyens de communication. Essayer d'aller plus loin pour justement... parce que souvent, quand on me demande ce que je fais, mon métier, formatrice en alphabétisation... Eh bien, les gens, ils tombent des nues. Ah bon, ça peut exister. Voilà, il faut sans arrêt expliquer, essayer un petit peu de leur ouvrir l'esprit, parce qu'il y en a beaucoup qui, dans la société, qui n'imaginent pas que des personnes, même moi dans mon cours, il y a des années, j'ai eu des Belges de souche. Donc, vous voyez, il y a, bon, ils ont eu des parcours plus ou moins difficiles, mais en fait, voilà, ils faisaient partie des groupes. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas les oublier. Un retour, oui ? Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a pu mettre en place un projet TIC qui a permis d'engager justement un informaticien public et de faire d'autres démarches. Et il y a des autres initiatives de la part de certains services publics et d'intérêt général, mais je pense que ça devrait être un mouvement beaucoup plus général et rapide parce que le temps passe. Et les guichets restent fermés et les personnes sont en difficulté. Je passe la parole peut-être à Fabien. Non, oui, ben, donc c'est ça. Il y a des choses quand même. On voit que les pouvoirs publics ne sont pas complètement insensibles non plus à cette question. Hein. Donc il y a ce projet-là que j'ai expliqué très rapidement de soutien un petit peu aux associations pour aborder ces questions-là avec leur public. Donc ça, c'est un projet, une initiative COCOF. Nous, on est soutenus depuis des années par le Fonds social européen aussi qui a à cœur de résoudre cette question des compétences numériques pour tout le monde. Mais de manière générale, c'est sûr que cette numérisation, on voit qu'elle continue à avancer, qu'elle s'accélère, et que là, par contre, il n'y a pas vraiment d'interrogation ou de remise en question de ce mouvement. Or, on sait qu'il laisse quand même beaucoup de personnes de côté et que la seule réponse ne peut pas être simplement plus de formation. Il faut quand même re-questionner aussi à un moment la disparition des guichets. Tout simplement. C'est pas normal de la disparition de l'argent. Les paiements électroniques généralisés, on parle de faire disparaître l'argent, mais bon, il y a des gens qui sont encore payés en cash. Il y a des choses qu'ils ne vont plus pouvoir acheter. Il y a des gares où il n'y a plus de guichet, c'est uniquement des paiements. Et on ne peut plus payer avec l'argent, il faut payer uniquement avec carte bancaire. Donc là, c'est les déplacements. Donc il y a des choses à un moment, il faut questionner quand même aussi cette dématérialisation à tout va. Quoi. Mais pour nous aussi, c'est-à-dire que là, mais pour nous aussi, je veux dire, vous n'avez pas envie d'aller dans la rue, vous êtes combien à aller réécrire ? De poser un acte symbolique fort, parce que, en fait, oui, c'est pour vos apprenants, mais c'est la société qu'on nous prépare pour nous tous ici, hein, présents, quoi. Ouais. Ouais. Les autres années, on a fait des campagnes dans l'espace public, avec des mobilisations, des flash mobs, des actions dans l'espace public. Ici, c'est un peu avec la crise sanitaire aussi, que l'année passée, on s'est dit qu'on allait faire la campagne quand même, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on laisse tomber cette campagne, elle est super importante. Donc on l'a développée sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on fait encore cette année, parce que c'était compliqué actuellement de prévoir vraiment des manifestations, des mobilisations, alors que les normes sanitaires changent à tout bout de champ. Mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que dès que la situation va un petit peu se normaliser, qu'on va retourner faire des actions dans l'espace public quand on pourra. En espérant que ça ait un impact, oui, c'est ça, parce qu'après, ça fait comme si on allait s'amuser dans la cour de récré, et puis on retournait en classe, quoi. Tout à fait, je ne sais pas quoi te dire, mais tout à fait. Non ? Est-ce que ça va ? Tu as envie de dire quelque chose ? Attends, hein. Je viens jusqu'à toi. Donc ça, c'est Delphine Cabu qui s'occupe de la com, qui a envie de dire quelque chose. Oui, tout à fait. En fait, il y a une semaine, un collègue avait abordé une idée qui pourrait être mise en place quand le Covid le permettra, c'est de faire une file très très longue devant un guichet fermé pour sensibiliser le public au fait qu'en fait, il y a plein de gens qui sont dans la demande d'avoir un accès à ces guichets. C'est une idée qui pourrait avoir lieu. Les idées, sûrement, il y en a plein qu'on pourrait mettre autour de la table. Après, c'est action et vos... C'est à répétition qu'il faut aussi le faire. Et surtout, mais on pourrait terminer là-dessus, c'est pas simplement vos apprenants, mais ça, c'est moi qui le dis de l'extérieur, c'est le monde qu'on nous prépare demain pour nous tous. Et il est hyper trash, quoi. Voilà. Parce que déjà, vos apprenants, ils sont... Vous voyez, c'est ça, ils sont fragiles. Hein. Ils tombent. Hein. Très facilement, ils peuvent tomber très facilement. Nous, on est un peu plus costauds, on va dire ça comme ça. Mais je trouve que c'est hyper violent, quoi. C'est parce que peut-être on n'est pas encore touchés, nous, les gens un peu plus costauds, vraiment dans notre... Mais moi, je trouve ça hyper violent, le monde qu'on nous prépare sans guichet. Mais de quel droit, quoi ? De quel droit c'est comme ça, vous voyez ? Les personnes âgées, moi j'en reviens, faut pas les oublier. Ces générations bien avant nous... qui sont vraiment laissés aussi pour compte, qui sont, comme nos apprenants, qui ont du mal à gérer tout ce qui est administratif, qui sont laissés pour compte, en fait. Hein. Donc, je pense qu'il faut, ne pas oublier quiconque, il faut penser à tout le monde, à tous les citoyens qui sont vulnérables, justement. Oui, mais d'y penser, c'est une chose. Après, c'est vrai, on n'y pense pas. Comment, quand est-ce qu'on va se bouger vraiment ? Parce que c'est grave ce qui se passe, quoi. Enfin. Oui, je voudrais finir. J'avais plein d'exemples à vous donner avec des noms et des prénoms, des situations, des non-recours au droit. Et je voulais finir avec l'illustration d'un exemple. C'est difficile à choisir, mais bon, ça m'a touché beaucoup, l'exemple d'Abdelali, qui est un apprenant qui vient au centre d'alphabétisation de Saint-Gilles. J'ai parlé avec lui. Lui et sa compagne sont réfugiés syriens. Ils ont deux enfants en bas âge et ils ne savent pas lire et écrire tous les deux. Donc, ils ne savent pas faire un virement bancaire online, ils ne savent pas gérer la compte online. Et donc, ils ont donné sa carte et son PIN au frère d'Abdelali, qui habite à Charleroi. Et c'est lui qui s'occupe de gérer leur argent. Donc ces personnes-là se sont infantilisées, se sont frustrées, dépendantes, en insécurité aussi. Ils prennent des risques et ils sont en exclusion bancaire. Alors que ces deux personnes qui sont dans une situation légale avec deux enfants en bas âge, etc. Donc, et cette situation, par exemple, par rapport aux banques, est hyper répandue. Donc, je peux donner des autres exemples, mais pour moi, c'est touchant, par exemple, cette exclusion bancaire à laquelle on condamne des milliers de personnes. C'est la demande la plus importante de la part de nos apprenants. Quand on commence les cours, on leur demande quels sont vos besoins. Et la première chose, c'est est-ce que vous pouvez nous apprendre à gérer notre compte, à faire des paiements, etc. Ça, c'est vraiment une première demande, oui. C'est vraiment un handicap très important et les banques, bon, il n'y a rien à faire, quoi. C'est de pire en pire, je vais même dire. Si on demande, j'ai une apprenante qui me disait, elle avait demandé au guichet de faire deux ou trois paiements, et c'était 5 euros par paiement. Donc c'est énorme, énorme. Finito. Bah, merci à vous, 1, 2, 3, 4. Merci à vous quatre. Merci à toi aussi. Et bonne campagne. Hein. Merci. On ira.